Chapitre 2. Les rares navigateurs qui ont croisé au large de l'archipel ont rapporté la présence de terres cultivées. Les Alines compteraient donc des agriculteurs et peut-être des éleveurs dans leur rang. Cela fait d'eux un peuple et non une simple horde de pirates avides de pillage. Nous ne pouvions imaginer un scénario plus défavorable pour l'Empire. Seigneur Sahil Muran, courrier à l'Empereur. Tu sais quoi, ma vieille ? Non, Salim, mais quelque chose me souffle que je ne vais pas tarder à savoir. Le garçon, pour une fois, ne se formalisa pas de la réponse ironique de son ami. Ils étaient assis sur un rocher battu par le vent. À leur droite, bâtie à flanc de colline, une cité de taille modeste, aux murs blancs, Farangi. À leurs pieds, un port au quai de pierre, usé par le passage de générations de marins. Des dizaines de légères embarcations colorées y étaient amarrées, tandis que trois navires mouillaient plus au large. Une foule bigarrée allait et venait le long des talles montées d'eau aux maisons, achetant les produits de la pêche locale et ceux proposés par des marchands itinérants. Salim ne regardait ni les bateaux, ni le marché. Il avait les yeux fixés sur l'océan qui s'étendait devant lui, à perte de vue. « Je n'avais jamais vu la mer. » Il avait parlé simplement, mais sa voix, qui trahissait une profonde émotion, dissuada Camille de répondre. Elle lui offrit un sourire qui fit scintiller le violet de ses yeux avant de lui prendre la main. Ils restèrent ainsi silencieux, jusqu'à ce que Bjorn les tire de leur contemplation. « Camille, Salim, venez visiter vos nouveaux appartements !» Le chevalier se tenait au pied de la barre rocheuse qu'ils avaient escaladée pour bénéficier d'une plus belle vue, et leur faisait signe de descendre. Avec un soupir de regret, ils obtempérèrent. « Edwin a repéré notre bateau ?» s'enquit Salim. « Oui, il est ancré là-bas, celui avec les deux voiles blanches à moitié ferlées, l'Algus Oyo. Le capitaine Al Nilbrund était à terre, et nous avons dû le chercher un bon moment avant de le trouver, mais tout est réglé maintenant. » Les bagages sont chargés et les matelots à bord. Nous prenons la mer demain matin. Edwin n'a pas changé d'avis pour les chevaux ? L'interrogea Camille. Non, il reste à l'écurie. Il nous faudra être discrets sur l'île. Nous nous déplacerons à pied. Le navire qu'ils gagnèrent à l'aide d'un canot était à moitié plus petit que la Perle de Chen. 4 hommes suffisaient à le manœuvrer. L'Empire possédait peu de bateaux et les pêcheurs ne se risquaient que très rarement en haute mer, de crainte de subir les attaques des pirates Alines. Leurs embarcations étaient donc adaptées à une activité côtière et non au grand large. Quant aux commerçants, ils avaient renoncé depuis longtemps à transporter leurs marchandises par la mer, abandonnant aux pirates la suprématie absolue sur le grand océan du Sud. Avant que les Tzlich ne verrouillent l'accès aux spires, les villages côtiers étaient protégés par des garnisons de gardes impériaux appuyés par des dessinateurs qui tenaient les flibustiers au loin. Les Alines tirant profit de la trahison des sentinelles, leur raid s'était intensifié depuis quelques années. Ils n'hésitaient pas à lancer de profondes incursions à l'intérieur des terres, pillant tout sur leur passage, semant la destruction et la mort. Le retour des sentinelles allait permettre à Silafian de reprendre les choses en main. Mais ils ne se faisaient pas d'illusions, la tâche serait longue et difficile. Pourquoi les dessinateurs de l'Empire ne réussissent-ils pas à régler le problème des pirates ? Souffla Camille à Maître Douaume. Le vieil analyste, debout sur le pont de l'Algus Oyo, se tenait prudemment au bastingage. Personne n'avait pu le convaincre de rester à Aljet, et quand Edwin avait malgré tout insisté une dernière fois, le palais avait vibré sous les éclats d'un monumental accès de colère. L'irascible vieillard avait exigé de vivre l'aventure jusqu'au bout et personne n'avait réussi à lui tenir tête. Il avait donc embarqué avec les autres. Les pirates ont leur propre dessinateur, répondit-il à Camille. Certains sont même très forts. Ils ont pour eux la connaissance de la mer et la puissance des navires. Ils disposent d'un avantage sur nous depuis des siècles. Notre traversée sera périlleuse, pas vrai ? Maître Douaume haussa les épaules. Disons qu'elle ne sera pas de tourpeau. Le navire comportait, outre la cale où dormaient les matelots, 2 cabines, dont une réservée au capitaine. Nous prenons la cabine libre, Siam, Camille et moi, décida Elana. Mais, commença Bjorn. Mais rien du tout, l'arrêta la marchombre. En tant que seule représentante du sexe féminin, nous avons droit à des égards. Tu n'es pas d'accord ? J'accorderais volontiers un régime de faveur à une faible femme, mais ce n'est pas ton cas. Tu as montré ces dernières semaines combien tu étais redoutable. Elana lui dédia un sourire carnassier. Tu t'obstines pourtant à me contrarier. Bjorn resta silencieux un instant, jaugeant la musculature fine de la jeune femme et calculant jusqu'où elle serait capable d'aller. Ne trouvant pas de réponse à cette question essentielle, il choisit la voie de la sagesse. « La calme paraît agréable, » affirma-t-il. « Je vais y descendre mes affaires. À tout à l'heure. » Il attrapa son baluchon et emprunta l'échelle qui s'enfonçait dans les entrailles du bateau. Lorsqu'il eut disparu, Camille se tourna vers Elana. « Tu ne crois pas que tu exagères ? Ne te fais pas de soucis !» s'exclama la marchombre en éclatant de rire. « Il sait que je suis son amie. Mais tu es vraiment dure avec lui. » Elana redevint sérieuse, fixant ses yeux dans ceux de Camille. « Bjorn est un soldat, » expliqua-t-elle, « avec des habitudes de soldat, un comportement de soldat comme Maniel. Si je ne leur montre pas que je suis forte, ils vont penser que j'ai besoin d'être protégée, surveillée, dirigée. Ma liberté est en jeu, Willan. Je ne laisserai pas de gros lourdeaux la piétiner sous prétexte qu'il déborde de bonnes intentions. » Elana lui avait parlé comme à une adulte. Camille en fut touchée. Elle avait cependant besoin d'un autre avis et interrogea Siam du regard. La jeune frontalière entra volontiers dans la conversation. « Depuis que j'ai ton âge, je passe mon temps à cogner sur des garçons convaincus de savoir mieux que moi ce qu'il me faut sous prétexte que je suis une fille, » exposa-t-elle. « J'ai plusieurs fois été obligée de faire couler le sang de bons copains qui n'avaient pas compris que je décide seule de ma vie. Je suis d'accord avec Elana. Nous devons rester libres. » Et pour cela, nous sommes obligés d'être fortes, d'être dures. » En se dirigeant vers la cabine que la combativité d'Elana venait de lui offrir, Camille réfléchit longuement aux paroles de ses deux amies. Elle n'adhérait pas complètement à leur point de vue, mais sentait qu'il y avait là un sujet sérieux qu'elle devait étudier à fond si elle ne voulait pas faire fausse route plus tard. Le lendemain, très tôt, elle fut tirée de son sommeil par une série de craquements dans la structure du navire. Elle ouvrit les yeux et se leva. La houle qui avait bercé son sommeil durant la nuit s'était accentuée et il lui fallut se cramponner à la table pour ne pas perdre l'équilibre. Elle se tourna vers les couchettes de Siam et Elana. La marchombre avait quitté la cabine, mais la jeune frontalière était encore blottie sous sa couverture. « Nous avons levé l'ancre !» lui cria Camille. « M'en fiche !» grommela son amie. « Je dors !» Camille résista à l'envie de lui sauter sur le ventre et, après s'être habillée en quatrième vitesse, se précipita à l'extérieur. Le ciel à l'est se teintait d'un orangé annonciateur d'un lever de soleil majestueux. La terre était déjà loin. De grosses vagues d'un bleu profond s'écrasaient sur les flancs de l'Algus Hoyo, en faisant jaillir des gerbes d'écume. Le capitaine Neil Brund avait déployé les deux voiles blanches qui claquaient dans le vent. Les matelots s'affairaient dans la mâture. Des voyageurs, seuls Edwin et Elana étaient sur le pont. Les autres devaient dormir. C'est géant, non ? Cria Camille avant qu'un paquet d'embrun ne l'éclabousse copieusement. L'Algus Hoyo filait plein sud à bonne allure. L'air possédait une saveur piquante qu'elle n'avait encore jamais goûtée. Elle s'assit à la proue du navire, sur le bastingage, les pieds dans le vide, face à l'immensité. Elle se sentait parfaitement libre et heureuse. Détendue malgré la fraîcheur du matin, accentuée par ses vêtements mouillés. Le reste de la troupe arriva peu de temps après que les côtes de Gwendalavir eurent disparu dans les brumes de l'horizon. Camille comprit à leur mine défaite que demeurer allongée au fond d'un bateau en mouvement ne devait pas être une expérience très agréable pour les novices. Salim fut le dernier à monter sur le pont, avec l'air grognon de celui qui a mal dormi. Quand il vit Camille perchée à la proue de l'Algus Hoyo, au-dessus de l'eau sombre, il bondit vers elle. « Descends de là !» hurla-t-il. « Tu vas tomber !» Elle sauta au sol et le contempla un instant avant de lui offrir un large sourire. « Cool, mon vieux. Je sais ce que je fais et... »« Non, tu ne sais pas. Tu es inconsciente de te pencher comme ça. Il suffirait que le bateau heurte une grosse vague pour que tu plonges. N'essaie pas de me faire croire que tu réfléchis quand tu fais une idiotie pareille. Je sais où est le danger. » Les autres, attirés par les éclats de voix, s'étaient approchés. Et Camille les regarda stupéfaite. Ses yeux croisèrent ceux d'Elana, puis ceux de Siam. Salim était hors de lui, et la présence de spectateurs semblait attiser sa fureur. « Quand on ne sait pas, on ne fait pas, tu entends ?» Il ne lui avait jamais adressé la parole sur ce ton. Camille se demanda brièvement si, seul face à elle, il se serait comporté de cette manière. Mais le moment n'était plus à la réflexion. Le discours d'Elana et de Siam prenait sens tout à coup. Elle pivota sur ses hanches en serrant le poing droit et le balança dans la mâchoire de Salim. Le coup le prit au dépourvu. Sous l'impact, il partit en arrière et s'affala sur le pont. Camille s'était fait mal à la main, mais il était hors de question qu'elle laisse quelqu'un s'en apercevoir. Elle s'approcha de Salim, étendu sur le dos, qui la regardait avec des yeux stupéfaits. « Je fais ce que je veux !» aboya-t-elle. « Où je veux, comme je veux et quand je veux, compris ?» Sans attendre de réponse, elle lui tourna le dos et, avec un sourire satisfait, traversa le bateau jusqu'à la poupe. Björn jeta un regard suspicieux à Elana. « Qu'est-ce que tu es allée raconter à la petite ?» Un air de naïve sincérité se peignit sur le visage de la mare sombre. « Je ne vois pas de quoi tu veux parler ?» Björn se pencha vers Salim. « Viens, mon ami !» lui lança-t-il en l'aidant à se relever. « Il va falloir que je t'explique certaines vérités sur les femmes. » Il s'éloigna en soutenant le garçon qui jetait de fréquents coups d'œil à Camille. Elle s'était à nouveau perchée sur le bastingage, d'où elle essayait de percer les secrets des fonds marins. Elle ne lui accorda pas la moindre attention. En milieu de journée, les compagnons se retrouvèrent dans le carré pour prendre un repas. Chacun fit mine d'avoir oublié l'incident. Salim se frottait parfois la mâchoire pensivement, ce qui tira de discrets sourires à Siam et Elana. Le capitaine, Alnil Brund, mangeait avec eux et répondit cordialement à leurs questions. Tout le monde connaît l'emplacement des îles Aline, exposa-t-il. Droit au sud. Je les ai même aperçus une fois ou deux, mais pour les approcher, c'est une autre affaire. Les pirates sont de sacrés marins et ils barrent des navires avec lesquels l'Algus Oyo peine à rivaliser. Il vaut mieux se tenir loin d'eux si on ne veut pas aller nourrir les poissons au fond de l'océan. Mais alors, s'inquiéta Mathieu, comment comptez-vous agir ? Le capitaine eut un geste rassurant. L'archipel devrait être visible demain en fin de journée. Nous aborderons la grande île qui est votre destination dans la nuit, tout feu éteint. Vous débarquez et moi je file avec mes hommes et l'Algus Oyo. Vous filez ? Releva le jeune homme. Maître Duhaume se racla la gorge. J'en ai longuement parlé avec l'empereur. Nous ne pouvons pas demander au capitaine Nil Brund de nous attendre. Il courrait un risque bien trop important. Comment allons-nous faire pour revenir ? Un pas sur le côté, Akiro. Vous êtes déjà deux à pouvoir l'effectuer. Si nous retrouvons Altan et Elicia, vous serez quatre. Un véritable jeu d'enfant. Mathieu n'eut pas l'air convaincu, mais n'osa pas contrarier l'analyste. Le capitaine leur révéla ensuite tout ce qu'il avait appris sur les îles Aline au cours de ses années de navigation. Peu de choses. Le bruit courait que la grande île abritait une cité. Rien toutefois ne prouvait que ce ne fût pas une simple légende. Il y avait certainement un endroit où les pirates entassaient ce qu'ils pillaient, où ils fabriquaient et réparaient leurs bateaux. Mais si un tel lieu existait, personne n'avait jamais réussi à le localiser. Lorsque le repas prit fin, les compagnons n'en savaient guère plus, mais leur inquiétude avait monté d'un cran. Ils passèrent l'après-midi sur le pont à se reposer ou à contempler l'océan. Le vent était toujours propice et l'Algus Oyo filait à bonne allure. L'unique surprise de la journée du lendemain fut causée par un poisson volant qui atterrit sur l'estomac de Björn alors qu'il faisait la sieste sur le pont. Au contact du corps frétillant de l'intrus, le chevalier poussa un cri strident qui déclencha l'hilarité des spectateurs. L'air offusqué, Björn attrapa le poisson et le rejeta à la mer d'un geste rageur, amplifiant les rires auxquels il finit par se joindre. Le jour touchait à sa fin, lorsqu'Alnil Brund tendit le bras en criant. La grande île ! Droit devant ! Un rivage se découpait au loin, encore impossible à détailler. Le capitaine se détendit. Au fil des heures, son anxiété avait cru. Mais maintenant que sa mission s'achevait, il se rassérénait. Le cri d'un matelot perché dans le gréement lui ôta brutalement le sourire. Pirates à tribord !